Chapitre 2. Peu de temps après le mariage de Jane, mon père vint à mourir. Quant à tante Marie, les médecins lui avaient ordonné un séjour prolongé dans le Midi. Je me trouvai donc seul à la maison, en tête-à-tête avec la femme de charge. Ce fut le plus affreux temps de ma vie. Combien je regrettais alors de n'avoir pas épousé ma cousine. Il me semblait que nous aurions fait un couple mieux assorti que M. et Mme Forbes. De temps à autre, je recevais une lettre d'elle. Jamais, en écrivant, il ne lui échappa une plainte, mais jamais non plus elle ne me dit « je suis heureuse ». Elle parlait avec éloge de son mari, vantait son installation, s'étendait sur le bien-être dont elle était entourée, d'elle-même pas un mot. Le texte habituel de ses lettres était l'intéressante personnalité d'Arthur, le petit garçon de M. Forbes. Elle se complaisait à raconter ses faits et gestes, à répéter ses moindres propos. Je fus bientôt forcé de conclure qu'une jeune femme uniquement occupée comme elle l'était de l'enfant de son mari ne pouvait être une femme heureuse. J'avais été engagé une fois pour toutes à aller les voir, et bien que Jane ne m'eût jamais rappelé l'invitation, je résolus de me mettre en route pour les zones. J'éprouvais le besoin de me distraire, sans compter que je voulais me rendre compte de ce qui manquait au bonheur de ma cousine. Je dois déclarer que, si peu attendu que je fusse, je reçus de M. Forbes l'accueil le plus cordial. « Combien Jane va être contente de vous voir ?» me dit-il au déboté. « Elle est sortie avec le petit. » Jane ne tarda pas à rentrer, tenant par la main un enfant à l'air espiègle et maladif, le fameux Arthur qui faisait les frais de ses lettres. Elle rougit en m'apercevant et ne parut pas du tout transportée de joie comme l'avait annoncé son mari. L'avouerai-je, on aurait pu croire au contraire que ma visite la dérangeait. Elle balbutia un bonjour insignifiant, et puis n'eut plus d'autre souci que d'éviter un entretien avec moi. Je réussis pourtant à l'attraper sur l'escalier. « Eh bien, Jane, es-tu heureuse ?» lui glissai-je à l'oreille. « Tout à fait heureuse, » répondit-elle d'un air léger. « N'est-ce pas que les zones sont charmants ?» Et elle m'échappa. Oui, les zones étaient une charmante résidence. Une vieille maison du plus grand air, spacieuse et bien distribuée, au milieu d'un gai jardin anglais, entouré lui-même d'une futaie d'arbres séculaires. Certes, la maîtresse de cette belle résidence, la femme de cet homme aimable, avait bien des conditions de bonheur. Pourtant, quoi qu'elle lui dît, elle n'était pas heureuse, je m'en aperçus tout d'abord. Jane avait pâli et maigri, elle paraissait triste. M. Forbes non plus n'avait pas l'air d'un homme satisfait de son sort. Je n'aimais pas les plis qu'ainsi court espace de temps avait suffi à creuser sur son visage. Il se montrait bon et prévenant à l'égard de sa femme, mais d'amour, de tendresse, je ne vis point l'ombre. Il réservait ces sentiments-là pour son fils, le plus désagréable petit garçon de 3 ans qui se pût imaginer. Et Jane rivalisait avec lui sous ce rapport, accablant de caresses ce petit drôle dont les relations avec moi commencèrent par des grimaces et s'accentuèrent avant le dîner jusqu'au coup de dent. À l'occasion de la morsure qu'il me fit, le père dit sous forme d'excuse « C'est un enfant qui a tant souffert, un vrai petit martyr. » Je pensai par moi que le martyr en cette circonstance était moi. Toutefois, je me maîtrisais avec l'héroïsme que peut seul inspirer la politesse. Mon intention n'était pas de faire chez les Forbes un long séjour, mais les événements sont souvent plus forts que notre volonté. Le soir même de mon arrivée, pendant une promenade avec mon hôte, je butais contre une racine et me donnais une entorse. C'était fort contrariant. Le médecin prescrivit le repos, un repos absolu. Bref, je fus condamné à passer je ne sais combien de jours, de semaines peut-être, chez mes cousins. M. Forbes se montra parfait, et ma petite Jane, me voyant malade, redevint la Jane d'autrefois. Elle ne me quittait guère, tandis que son mari était à ses affaires. Elle s'installait avec une broderie près de ma chaise longue au salon, m'y tenant fidèle compagnie et surveillant en même temps par la fenêtre le jeune Arthur qui jouait avec sa bonne dans le jardin. « Jane, lui dis-je un jour que l'occasion me semblait bonne, d'où vient que tu as du chagrin ?» Elle rougit et sa main trembla au point de l'empêcher d'enfiler une aiguille. « Je suis très heureuse au contraire, je te le répète, » balbutia-t-elle avec effort. « Non, Jane, tu n'es pas heureuse. » Et M. Forbes n'est pas heureux non plus. Je ne prétends pas m'immiscer malgré vous dans vos secrets, mais si un bon conseil pouvait aider à remettre les choses en ordre, pourquoi ma petite Janet ne profiterait-elle pas de l'occasion qui s'offre et priverait-elle son vieux cousin William de la joie de lui être utile ? À ces mots, elle changea encore une fois de couleur, laissa échapper son ouvrage et, joignant les mains, s'écria « Oh, si c'était possible, si tu pouvais m'aider, me conseiller du moins, oh, mon bon cousin, si tu pouvais me faire obtenir l'amour de mon mari !» Voilà bien ce que j'avais soupçonné dès le début, repris-je tristement. Mais, mon enfant, il me faudrait avant tout savoir quels sont les motifs qui l'ont poussé à t'épouser. Les connais-tu ? Oui, répondit-elle d'une voix triste. Et c'est ce qui a fait le mal. Si je les avais ignorés, la situation eût été tout autre. Le mystère se compliquait. Il me fallut du temps et beaucoup de ménagement pour obtenir une explication qui fit la lumière dans ce dédale. À la fin, soit pour me complaire, soit pour soulager son pauvre cœur, elle me raconta tout. Tu te rappelles le jour de mon mariage ? Eh bien, j'étais contente ce matin-là. Je me promettais d'être si bonne, si dévouée, de faire tant d'efforts pour rendre à M. Forbes toute l'affection qu'il semblait avoir pour moi. Oui, après la cérémonie, quand je fus sa femme, j'osais le regarder en revenant à la maison, et je me sentis fière d'être à lui. Peut-être te souviens-tu qu'avant de changer de toilette, je descendis au jardin. J'étais possédée d'une envie folle, un enfantillage. L'envie de cueillir quelques-unes de mes fleurs favorites et de les emporter avec moi. Je me croyais seule. Monsieur Forbes, toutefois, m'avait précédé. Quelqu'un lui avait remis une lettre au moment où nous rentrions et cette lettre, il s'était retiré dans la serre pour la lire. Je l'aperçus de loin. Il était assis et il sanglotait le front appuyé sur la table, le visage enseveli entre ses bras repliés autour de sa tête. Je m'arrêtai, tremblante et glacée d'effroi. Un pressentiment affreux m'avait saisi. La lettre qu'il venait de recevoir gisait à terre auprès de lui. J'entrai, je la ramassai et contemplai un moment mon mari. Il ne semblait pas se douter de ma présence. Alors mes yeux tombèrent sur les premières lignes et ne purent s'en détacher. Je lus jusqu'au bout, sans avoir conscience de ce que je faisais. Hélas, c'était une lettre d'amour écrite par une femme qu'il avait trahie, mais qui, à la dernière heure, se repentait et venait solliciter son pardon. Elle se montrait pleine d'espérance et de tendresse. Elle avait tant souffert qu'elle refusait de croire qu'il pût tenir rigueur à son Annie. Oui, elle avait écrit « son Annie ». J'étais sa femme depuis moins d'une heure. Je n'avais pas encore dépouillé ma robe blanche, mon voile, ma couronne de fleurs d'oranger, et je voyais une autre femme se dresser entre moi et mon mari. Il releva la tête et m'aperçut tenant encore la lettre. Mon visage bouleversé lui fit comprendre sans doute que je l'avais lue, car il me la prit des mains et s'éloigna sans prononcer un mot. Quels étaient ses sentiments ? Regrettait-il que cette lettre fût venue si tard ? Eût-il été capable de m'abandonner au pied même de l'autel ? Je me le demandais alors. Maintenant je sais mieux à quoi m'en tenir. Monsieur Forbes est incapable d'une déloyauté. Mais je pouvais dans ce temps-là douter. J'avais la tête perdue. Une seule chose m'apparaissait clairement. Il ne m'aimait pas. Il m'avait épousée pour punir l'infidèle. Et s'il avait pressé notre mariage, c'était afin de devancer le sien et de lui prouver combien son manque de foi le touchait peu. Il m'avait prise pauvre, sans beauté ni mérite d'aucun genre, voulant que je lui dusse beaucoup et que lui, l'homme riche et recherché de tous, me dût le moins possible. Voilà ce que je reconnaissais trop bien. C'était dur, bah. Tu sais maintenant, William, pourquoi nous ne sommes pas heureux, pourquoi nous ne le serons jamais. C'est à cause de cette maudite lettre que j'ai lue. Comme Psyché, je suis puni par ma faute. Si j'étais demeuré dans l'ignorance, j'aurais conservé un semblant de bonheur. Monsieur Forbes aurait joué son rôle jusqu'au bout, et jusqu'au bout, j'aurais cru l'avoir subjugué. Ma petite vanité a reçu un coup bien cruel, quand j'ai découvert que jamais je n'avais été aimé. J'étais l'instrument dont on se servait pour venger une injure, voilà tout. Ta pauvre cousine Jane a donc appris la modestie à ses dépens. Toutefois, pour être juste envers lui, je dois dire que son intention était assurément de se montrer généreux, bon, plein d'attention à mon égard. Peut-être eût-il fini par s'attacher un peu à moi, mais après ce qui s'était passé, ce n'était plus possible. Je sais trop de choses. Tel que tu le vois en public, tel il reste quand nous sommes seuls, un homme bien élevé, rien de plus. Si je voulais avoir une robe nouvelle tous les jours, il me la donnerait. Mais quant à me persuader qu'il m'aime, c'est hors de son pouvoir, de même qu'à moi, il m'est impossible de rien faire pour lui plaire. Je ne trouve pas une parole affectueuse à lui adresser. Je réponds quand il me parle, voilà tout. Je suis d'une froideur de statue en sa présence. Je me rends compte et n'y peux rien changer. Je sens cet anis entre nous deux et cela me glace. Jamais je ne l'ai vue. Qui elle est, ce qu'elle est, je l'ignore. Mais la nuit, souvent je me réveille pour me demander si ma mort, qui permettrait à mon mari d'épouser cette femme, lui causerait un bien grand chagrin. Pauvre petite amie, je l'écoutais le cœur serré. Jeannette, lui dis-je enfin, veux-tu savoir ce qui t'empêche de conquérir ton mari? C'est que tu l'aimes trop. Elle couvrit son visage de ses deux mains, et je vis la rougeur envahir son front et jusqu'à son cou. C'est bien cela, dit-elle enfin, reprenant sa pâleur première. Je l'aime, moi, qui me reprochais, quand je me suis mariée, de ne pas nourrir à son égard des sentiments assez exaltés. Je l'aime. Il ne s'en aperçoit pas, mais si un jour il venait à s'en douter, je serais la plus misérable des créatures. C'est la persuasion où il est de mon indifférence qui lui fait accepter son sort. S'il connaissait la vérité, cette situation lui paraîtrait intolérable. Comment le sais-tu? Je ne pourrais expliquer cela, mais je le sens. Une fois, j'ai failli me trahir. Comment? Peu importe. Jamais je n'oublierai le malaise visible qui s'est emparé de lui, le regard qu'il m'a jeté. Jane, tu calomnies ton mari? Non, répliqua-t-elle avec calme. C'est toi qui ne me comprends pas si tu crois que je l'accuse. Je suis, tu le sais, d'un caractère réservé, et c'est en partie ce qu'il a décidé à me choisir. Il s'est dit, voilà une fille qui ne me demandera ni passion ni tendresse. Rien, en un mot, de ce que je ne puis donner. Admet qu'il acquiert la preuve que je ne suis pas la femme qu'il a cru prendre, qu'il reconnaisse qu'en l'épousant j'entendais aimer et être aimé à mon tour. Ne devines-tu pas tout l'ennui qu'il en aurait? Hélas, c'était trop vrai. J'eus un soupir de découragement. Dans le moment même, Arthur vint rompre notre tête-à-tête. Il courut tout droit à sa jeune belle-mère, qui le prit sur ses genoux, où il se pelotonna. De cette place, il me regardait, me montrant un visage si pâle, si souffreteux, qu'aussitôt je lui pardonnais tous ses méfaits passés. J'avais devant moi une reproduction vivante de l'immortelle Vierge à la chaise de Raphaël. En contemplant ce groupe, je me demandais ce qui pouvait empêcher les peintres de nous donner encore des Madones et des enfants Jésus. Ils prétendent que la matière est épuisée, comme si l'on ne pouvait jamais épuiser le sujet le plus fécond qu'offre la nature humaine, la maternité. « Jane, lui dis-je, les yeux humides, voilà votre espoir à tous deux. Cet enfant sera le trait d'union entre toi et son père. » Elle secoua tristement la tête. « Loin de là, répondit-elle, il sera plutôt un sujet de division pour l'avenir. Quand je suis arrivée ici et que j'y ai trouvé ce pauvre petit être débile, je me suis sentie attirée vers lui, sans doute parce qu'il souffrait comme moi, peut-être aussi parce qu'il était une partie de lui-même, » ajouta-t-elle en baissant les yeux. Je l'appelais, il vint à moi, je le caressais, et je le vis s'endormir dans mes bras. Chaque fois qu'il a été malade, c'est moi qui l'ai soigné. Quand, aigri par la souffrance, il s'est montré hargneux, irritable, j'ai supporté patiemment ses méchancetés. C'est ce qu'il a tant attaché à sa nouvelle maman. Malheureusement, il m'aime trop. Celui qui aurait dû avoir la première place dans son affection est relégué au second rang, bien en arrière. Je suis obéi quand l'autre semble n'être même pas entendu. Je suis recherché alors qu'il est négligé, et pour cet autre, je reste une étrangère. Comment les préférences dont je suis l'objet ne l'irriteraient-elles pas contre moi? Non pas directement, mais par contre-coup. Je l'ai frustré en effet, car sache-le, si jamais quelqu'un a été aimé avec passion, c'est ce petit être chétif et languissant. Quand sa mère mourut en le mettant au monde, son père jura de la remplacer. Il veilla sur ce berceau comme une femme eût pu le faire, et moi, je suis venu lui dérober la douce récompense d'un amour quasi maternel. Moi, qui n'ai pas été à la peine, j'ai recueilli à sa place le fruit de la plante délicate qui lui a coûté tant de soins. Comment faire? C'est ma seule consolation dans ma tristesse. Ce petit être aimant qui se sert contre moi, puis-je le repousser? Quand j'écoute son babil, quand je me mêle à ses jeux, quand je m'occupe de lui, comme je le fais journellement, je me trouve presque heureuse. Arthur n'est pas toujours grognon, comme tu l'as vu. Arthur ne mord pas toujours, car il ne souffre pas constamment, le pauvre est. À certains moments, il a la gaieté, la gentillesse, l'entrain inoffensif d'un petit chat. N'est-ce pas, chérie? L'enfant la regarda et répondit à ses paroles par un long baiser. C'est dans cet embrassement que M. Forbes les surprit. Je le vis tressaillir. Néanmoins, il fit bonne contenance, s'avança en souriant jusqu'auprès de nous, et se penchant par-dessus l'épaule de Jane, prit le petit garçon d'embrasser aussi papa. Arthur fronça le sourcil et repoussa papa d'un air maussade. M. Forbes s'efforça de tourner la chose en badinage, mais l'expression douloureuse de son visage démentait l'allure dégagée qui l'affectait. Personne n'est parfait en ce monde. Je vis un éclair de satisfaction passer dans les yeux noirs de Jane, et son regard triomphant semblait dire, pour moi du moins, « Je ne suis pas Annie, ce qui n'empêche que je puisse trouver quelqu'un qui m'adore, M. Forbes. » Et sous ce regard, qu'il le comprit ou non, le malheureux devint tout rouge. Pauvre petit Arthur, qui sait si ce regard ne fut pas la cause de ce qu'il me reste à raconter? Rien n'est plus facile que de provoquer des confidences, sous prétexte de donner un bon conseil, mais rien n'est plus malaisé pour une personne ayant conscience de la responsabilité qu'elle assume que de formuler ce conseil-là. Tel était précisément mon cas, et je redoutais maintenant de me retrouver seul avec Jane. À ma grande satisfaction, je crus démêler bientôt qu'elle avait parlé pour soulager son cœur, non pour obtenir des avis. Je fus, l'avouerai-je, un peu mortifié néanmoins de voir le peu de cas qu'elle faisait de mes lumières. Elle ne me demanda jamais de lui tracer une ligne de conduite à l'égard de son mari, et il sembla que rien ne se fût passé entre nous. Je la plaignais du fond du cœur, d'autant plus que je ne voyais aucun remède à ses maux. Je plaignais aussi M. Forbes. Il est fort commode, vous le voyez, d'épouser une femme dans l'intention de vivre avec elle sur le pied d'une douce camaraderie. Il l'est beaucoup moins, par contre, de mener l'entreprise à bien, quand on tombe sur une jeune personne qui se permet de vous donner son cœur et qui se sent blessée si vous n'avez la volonté ou bien le pouvoir de lui rendre l'appareil. Oui, je le répète, je m'étais pénétré de compassion pour le mari, car enfin, si Jane avait trouvé son malheur dans la lecture de la fameuse lettre, le pauvre homme trouvait le sien assurément dans la lecture. Trop facile pour qu'il ne la fît point des sentiments de sa femme. Naïve Jane, qui croyait pouvoir cacher pareil secret à un mari. L'amour seul rend aveugle, et M. Forbes n'était point amoureux. Je le surveillais sans en avoir l'air, et je crus bientôt avoir acquis la certitude qu'il se désolait de reconnaître chez une femme qu'il avait jugée froide et raisonnable à l'excès des sentiments romanesques auxquels il ne pouvait répondre. Certes, il ne lui en voulait pas de l'erreur qu'il avait commise, mais leur cœur ne battant pas à l'unisson, il devait trouver sa situation fort gênante. Sans la malencontreuse découverte de la lettre, il eût probablement fait tous ses efforts pour lui cacher la vérité. Par malheur, la lettre était là, et mon cousin me semblait être un de ces hommes qui savent s'imposer une contrainte, mais qui sont incapables de mentir. L'entorse que je m'étais donnée guérissait tout doucement. Je commençais à marcher à l'aide d'un bâton, quand un matin je vis M. Forbes partir en voiture avec Arthur. « Ayez la bonté de prévenir Jane que j'emmène le petit, » me dit-il en passant devant moi. À ces mots, Arthur, qui jusque-là était fort tranquille, poussa des cris de paon et appela sa maman au secours. Le père se mordit les lèvres, mais n'en poursuivit sa route que plus vite. En un instant, ils eurent disparu. Jane, accourue au bruit, reçut assez mal la commission dont j'étais chargé pour elle. « Mon Dieu, quelle idée a-t-il eu d'emmener Arthur à la ville ?» s'écria-t-elle d'une voix douloureuse. « Ma femme de chambre me disait à l'instant que la variole y sévit. Oh, si l'on pouvait le rattraper !» Il n'y fallait pas songer. Aussi m'occupais-je seulement de la rassurer. J'eus beau faire toutefois, elle demeura inquiète. « Hélas, pourquoi l'a-t-il emmenée ? » répétait-elle sans cesse. « Pourquoi ? La belle question. » Dans l'après-midi du reste, l'enfant revenait, gai, dispo, plein d'entrain, et le père semblait tout fier de l'avoir possédé à lui seul pendant une demi-journée. « Il ne s'est pas ennuyé, » dit-il à la belle-mère d'un air triomphant. Le reste du jour se passa bien, mais le lendemain matin, l'enfant, en se réveillant, se plaignit d'un malaise. Quand son père entra le soir, l'indisposition avait pris déjà les proportions d'une vraie maladie, et bientôt, on put reconnaître les symptômes de la variole. Ce fut moi qui avertis M. Forbes. Je le vis chanceler sous le coup. Il venait d'apprendre que cette affection régnait à l'état d'épidémie dans la ville, et c'était lui qui y avait conduit son enfant. il l'avait exposée de gaieté de cœur à la contagion, à la mort peut-être. « Que Dieu me pardonne !» s'écria-t-il éperdu, puis il ajouta aussitôt. « Jane a-t-elle déjà eu cette maladie ?»« Jamais, » répondis-je. « Alors il faut l'éloigner, » reprit-il vivement. « Il le faut !» Et il courut à la chambre de son fils, où Jane était assise près du lit, tenant la main du petit malade dans la sienne. Monsieur Forbes marcha droit à elle, en proie à une violente agitation. À peine put-il articuler quelques mots. « Jane, » dit-il sans oser regarder l'enfant, « retirez-vous, je vous en prie. Vous n'avez pas eu la petite vérole, vous ne pouvez rester ici. »« Me donneriez-vous ce conseil si j'étais sa mère ?» riposta la jeune femme. « Vous n'avez pas le droit de risquer votre vie !» reprit son mari d'un ton suppliant. « Moi, j'ai déjà passé par là, votre cousin aussi. » « Il faut vous dire que moi, le cousin William, le cousin sans conséquence, je suis horriblement grêlé. Nous ne courons aucun risque, nous autres, tandis que vous en courez beaucoup. »« Moi, des risques ?» prononça Jane avec une sanglante ironie qui la transfigura. « De quel risque voulez-vous parler ? Ma vie, peut-être ? Est-elle donc si précieuse ? Et s'il m'arrivait d'être défiguré, croyez-vous vraiment que mon sort en deviendrait pire ?» Il ne trouva pas un mot à répondre. J'ai obtenu, j'ai gagné l'affection de cet enfant, reprit Jane, se retournant vers la couchette, et rien, rien au monde, entendez-vous, ne me décidera à l'abandonner. Plus un mot ne fut échangé. Arthur geignait sur son lit, ayant Jane d'un côté et son père de l'autre. Trois jours s'écoulèrent de la sorte pendant lesquels le petit patient s'affaissa de plus en plus. Le quatrième, un ange vint le chercher, qui lui apporta la délivrance. J'étais présent quand il mourut. Pauvre petit martyr, lui, d'ordinaire si indocile, il était devenu doux et patient depuis sa maladie. Je m'étais pris à l'aimer, moi aussi. Mon cœur se gonfla quand je vis ses paupières palpiter, ses lèvres frémir convulsivement et son visage amaigri, qui n'avait subi aucune altération, prendre le calme rigide de la mort. Jane pleurait en silence. Monsieur Forbes avait les yeux secs. Il semblait changé en statue. D'abord, il parut à peine se rendre compte des choses. Puis enfin il comprit que tout était fini. Il ne me voyait probablement pas, caché que j'étais sous les rideaux. En tout cas, il n'avait plus conscience de ma présence. S'adressant à sa femme, « Jane, » dit-il. Jane tourna vers lui ses yeux noyés sans répondre. « Jane, venez près de moi. » Elle se leva et alla s'asseoir au bord du lit à ses côtés. Avec un rauque gémissement dans lequel se confondaient la douleur, le remords et l'amour, il l'attira brusquement et appuya sa tête sur la poitrine qui avait si souvent servi d'oreiller à la tête de son fils. Le refuge du petit Arthur dans ses peines d'enfant était devenu celui de l'homme fort terrassé par la douleur. Jane entoura le cou de son mari de ses deux bras et mêla des larmes brûlantes aux siennes. Tandis qu'ils pleuraient ensemble, le cher innocent dormait son dernier sommeil, souriant à ce monde exempt de souffrance et de tristesse dans lequel il venait d'entrer. Je me retirais sans bruit. Je comprenais que de la plus terrible douleur peut résulter un grand bien. Longtemps après cet événement, Jane me dit un jour « Cousin William, mon mari s'est rendu à moi à cette heure suprême et depuis lors j'ai possédé son cœur sans partage. » Elle avait pris la maladie au chevet du pauvre Arthur. Mais admirablement soignée par son mari, elle guérit vite et ne fut pas défigurée. Heureuse Jane! Je l'ai vu dernièrement en me rendant à Londres. Combien la vieille maison des Aunes me parut embellie, habitée qu'elle était maintenant par une femme heureuse. Combien M. Forbes me sembla fier de sa Jane et de son fils unique, gros garçon qui lui ressemblait beaucoup. Est-il nécessaire de dire que ce fils avait reçu le nom d'Arthur? Eh bien, quelque tendresse qu'eut la mère pour cet enfant, je n'oserais affirmer qu'elle l'aima autant que l'autre. Je lui en fis même l'observation. « Le premier Arthur, vois-tu, me répondit-elle, était l'enfant de ma douleur. Le second est l'enfant de ma joie. Il ne pouvait donc pas être aimé de la même façon, sans compter que l'autre me préférait à tout au monde, tandis que pour celui-ci, je passe bien après son père. Et Annie, hasardai-je malicieusement, qu'est devenue Annie? Je l'ignore et je ne m'en inquiète guère, riposta Jane avec une superbe indifférence. Des deux Arthur, celui qui n'est plus à effacer le passé, et l'autre, mes garants de l'avenir. Je puis aujourd'hui édifier une douzaine d'Annie. Chère petite Jeannette, elle est toujours la même. Quelle naïveté adorable. Il n'y a qu'elle pour imaginer qu'un enfant mort ou en vie ait le pouvoir de la protéger contre des rivalités redoutables. Elle se protège bien suffisamment toute seule. Au reste, M. Forbes, avec cette vanité béate propre aux maris heureux, n'a eu rien de plus pressé que de m'en donner la preuve. Il l'avait rencontrée récemment dans une fête, la trop fameuse Annie, dont il se garda du reste, en galant homme, de me dire le nom. « Vous ne vous ferez jamais une idée, me dit-il, de ce que j'éprouvais en comparant ces deux femmes. Ma chère, ma jolie, ma charmante Jane. Jane jolie, il n'y a que l'amour pour faire dire de pareilles absurdités. Et cette folle créature, égoïste autant que frivole. Ma bien-aimée femme me sentit frissonner comme nous quittions le bal. Elle crut que j'avais froid. Oui, certes, j'avais froid jusqu'à la moelle des os, car je songeais que j'aurais pu, à l'heure présente, être le mari de cette pécore. » Ainsi s'achève Ma cousine Jane de Julia Kavanagh.